Quotidien en provenance de Drummondville pour les Jeux du Québec avec notre collaboratrice Janie Malta. Salut Janie! Janie, il faut revenir évidemment sur Emilia Turcotte de Roberval qui a remporté hier une médaille de bronze. C'est vraiment une belle. Tu sais, il y a des belles histoires dans le sport et le sport apporte ses lots et je pense que ce qu'Emilia a accompli hier, c'est tout à fait exceptionnel. Exactement, vraiment. Puis en plus, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle a patiné, elle était fière d'elle, elle était contente, mais on l'a pas invitée à la cérémonie de remise de médaille qui a lieu tout de suite après. Puis là, on se demandait, elle se demandait, mais voyons, est-ce que c'est parce que j'ai mal patiné? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est comme mise à pleurer parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas gagné une médaille pour tout. Et là, il y avait comme eu une erreur, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous a expliqué. Et finalement, on l'a invitée à monter, évidemment, sur le podium, parce que c'est elle qui a décroché la médaille de bronze. Donc, vraiment, elle était tout sourire, émue aussi, parce que là, elle se disait, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Est-ce que j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait? Et nous, hier soir, à la remise des Bleuets d'or, c'est une remise qu'on fait à ceux qui ont réalisé, atteint leur objectif pendant la journée de compétition. Pas nécessairement les médaillés. Ça peut être une 12e, une 15e, une 20e position. On invite les jeunes à monter sur scène et on leur remet un bleuet d'or. C'est une épinglette à l'effigie vraiment de la région avec un petit bleuet. Et Emilia, hier, eh bien, évidemment, elle a reçu plein d'applaudissements étant donné que c'était une des médaillées de la journée avec Roxane Morin-Fillion là, en boschia. Et elle a eu droit à un gros câlin de la mascotte Fred qui était avec nous pour la remise des bleuets d'or hier. Et là, elle s'est dit, ben voyons, oui, vous m'applaudissez parce que je suis la médaillée, mais je veux mon bleuet d'or aussi. Elle avait tellement hâte d'avoir son épinglette, là. Oh, vraiment, là, on sentait que c'était une belle histoire. Troisième jeu du Québec. Puis je pense qu'elle a gagné à Chicoutimi en 2013. Elle avait gagné une médaille aussi de bronze, si je m'abuse. C'est pas sa première médaille, là. Non, c'est pas sa première. Là, je veux pas me tromper, là, mais je sais que c'est pas... je crois qu'elle en a déjà, là. Elle a quand même de l'expérience, là. Certainement que ça l'a aidé à performer, là, quand même, hier. Ah oui, parce que c'est sa mère et son entraîneur aussi, Véronique Morin. Et je pense qu'elles ont dû travailler très, très fort ensemble, là, vraiment, pour en arriver mais, jusque-là. T'as-tu pensé à la patience également de sa mère? C'est Véronique, justement, là. Faut être patiente pour... Parce que on en parle beaucoup, mais on pourrait appeler pour les gens qui ne le savent pas, Emilia est une enfant autiste. Donc, c'est évidemment, ça apporte beaucoup, beaucoup de contraintes et ça prend beaucoup de patience. Puis, il y avait raison, il faut signer Emilia, mais il faut signer également l'entourage, sa mère aussi, là. Ah oui, oui. Puis, je crois qu'Emilia, elle a la trisomie 21. Okay. C'est pas évident. Puis, en plus, ben c'est pour elle l'opportunité, la chance de goûter à une troisième expérience des Jeux du Québec parce que c'est la seule fois en fait où on l'intègre vraiment avec les autres disciplines, avec les autres sports aussi. Donc elle fait partie de l'aventure là. Nous les c'est pas des Jeux paralympiques, pas du tout là. Les Jeux du Québec, ils ont leur catégorie patinage OSQ. Puis c'est une discipline comme le patinage artistique, comme le hockey féminin, le hockey masculin. Donc c'est intégré. Parle-moi maintenant de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est l'entrée en scène, c'est la fermeture du premier bloc. Le deuxième bloc est maintenant va commencer demain. Donc c'est tranquille aujourd'hui, j'imagine. Oh, c'est très tranquille. C'est cet avant-midi, en fait, que les jeunes jouaient au tennis de table. On avait quelques matchs là, à compléter de ce côté. Finalement, les gars ont terminé en 10e position pour un total là, de 12e, si on regarde là, le classement par sport là, pour l'équipe autant féminine que masculine en tennis de table. Sinon, au classement là, des sports, là, je suis allée jeter mon petit coup d'œil tantôt en ski de fond, même si on n'a pas de médaille de ce côté-là, on a quand même grimpé par rapport à l'hiver 2013. Mmh. On a cumulé 1160 points, quatrième position pour toute l'équipe en entier. Donc, c'est très, très bon. Puis, j'ai parlé aussi tantôt au chef de mission Alexandre Lallemand, qui, lui, était vraiment très, très satisfait des athlètes. On a que des bons commentaires ici là de nos athlètes, courtois, souriants. On encourage beaucoup entre nous. Il y a une espèce d'énergie très positive au sein de la délégation. Puis, on a très hâte d'accueillir là, les jeunes du Bloc 2 qui sont en route. Ils devraient arriver dans les prochaines minutes ici à Drummondville. Janie, on se reparle demain? Oui, à demain. Voilà, c'était Janie Maltais qui nous parlait en direct de Drummondville.